d'abord, c'était un soir d'été. J'ai demandé à ce jeune de me présenter sa carte d'identité. C'était encore un de ces jeunes de cité. Ça faisait déjà des mois qu'on le pistait. La dernière fois, il a réussi sa fuite. On allait l'arrêter pour possession de produits illicites. Ce fameux fuyard était seul dans la rue le soir. Il était ivre, a commencé à m'insulter. J'ai sorti ma matraque et je lui ai demandé de me suivre. Ensuite, un de ses copains, banlieusard, est arrivé. Cagoule sur la tête, batte de baseball. Y'en avait plus d'un sous le hall. Au moment où je m'apprête à prendre mon takiwalki pour appeler des renforts, ce fameux jeune est arrivé vers moi. On a fait du corps à corps, c'était hardcore. Il était trop fort. En plus, il m'a insulté de putain de porc. Tout ce que je dis dans cette déposition est que la vérité. Mais l'accusé pense encore à son frère qui a pris de la prison pour perpétuité. Mais je vous jure, la prochaine fois on ne va pas le rater. Écoutez ça, les gars, hier soir y'a un keuf qui m'a tricard, il était tard. Je quittais le studio et j'allais rentrer chez moi. C'est à ce moment-là qu'il m'a interpellé, le bras serré. Je pouvais pas bouger, il me dit: passe-moi ta carte d'identité. T'es encore un de ces sales bâtards qui habitent dans un quartier. Trop étonné de ce qui m'arrivait, j'étais en panique. Mais je vous jure, j'avais rien fait. Déjà l'autre fois, il m'avait chopé en bas de chez moi. J'étais avec Vito et j'avais du tushy sur moi. Obligé de cavaler, mais hier soir j'étais clean. Alors j'ai ravalé ma fierté, il fallait que je m'incline. Matraque sortie, insulte raciste, fasciste, flic, coup de matraque. Bâtard manique et ma rage, je vous jure les gars, je vous mens pas, regardez mon bras. Pourtant, je me suis défendu et ce sale flic s'est détendu. J'ai quand même réussi à me sortir de ce martyr. Il m'a encore mis deux trois patates histoire de dire. Et c'est là que me voyait en danger. Ces mêmes Vito se sont pointés pour me sortir de ce guépier. Ce sale Schmitt, on l'a défoncé, on l'a laissé par terre. Et on est rentré au quartier. C'était une putain de soirée trop agitée.